Quoi de plus beau que le jour d'une naissance? T'en oublierais même tout ce qui est propos d'indécence. La vie est une fierté, mais pour ça il faut lui donner un sens. Se battre pour nos rêves sans délaisser la descendance. Pourquoi vivre pour mourir? Tel est le dicton. Mon idée claire me dit que mon avenir est un gros picton. La soif de vaincre à tous les périls, quoi qu'il en soit. Rien à battre si je ne finis pas dans la soie. Tout ce qui compte pour moi, le summum, ma vie, ma foi. Je suis comme un clébard devant une vitrine, je m'assois. Donner pour payer, payer pour avoir un peu plus tous les jours, mais mon portefeuille une passoire. Passons, je viens mettre des rustines à tous les trous à boucher. Vaincre à toutes les batailles sans débarquer chez le boucher. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Lève les bras en l'air, pense à ton retour en question. Mettre les bouchées doubles, décaper comme un bain de bouche. Chaque jour recommence à partir d'une prise de douche. La vie est une bataille, baisse les points si t'es bataille. Les raccourcis sont aussi serrés qu'une snake de taille. Barbé de la vie, j'entends souvent dire dans mes alentours: regarde à l'horizon, ne reste pas en bas des tours. Dior, Armani, Louis Vuitton ne donne pas plus satisfaction. Si t'as pas le reste, rien ne sert de faire ton geste de friction. Friction, aujourd'hui n'est pas un avenir sûr. Pose dur, ou pense à recycler ton disque dur. Les gens ne veulent qu'une chose, toujours plus de nouveautés. Mettez toutes vos idées sur table et tout ce qu'on peut vous ôter. Pas de temps à perdre, comme je vous dis à travers mes textes. On ne peut voir que dans un sens, je ne cherche pas de prétexte. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Rien de plus ambigu que la date où tu signes ton testament. La routine m'en dit plus, jour après jour ou fréquemment. Je suis pas le premier à dire de profiter de l'instant présent. Les journées défilent à croire que le temps est pressant. Tout roule jusqu'à ce qu'un problème soit naissant. Rien à voir au projet perso, en plus de tout ça blessant. Dur dans ces cas de garder la tête haute quand tout tombe à l'eau. Est-ce que le destin complote? Changer son quotidien et tout ce qu'il comporte. Passer le relais, les rênes à tous ceux qui t'escortent. Vivre et mourir, ainsi est le destin qui nous tient. Venu des couilles de ton père, tu finiras sous terre. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question. Tout départ à une arrivée, tout dépend du temps que ça prend. Attends pas le jour J, marche droit, ça s'apprend. Vivre et mourir, tel est le dicton. Lève les bras en l'air et pense à ton retour en question.